Épilogue. 10 années se sont écoulées depuis que George Leland repose entre son père et sa mère dans le cimetière de Somersetshire. L'insurrection indienne a été vaincue. Outram, le Bayard de l'Inde, a son mausolée à Westminster. Clyde est mort aussi. Napier cueille de nouveaux lauriers sur une terre étrangère. Le monde est plus vieux de 2 lustres. La société est devenue plus artiste et peut-être plus artificielle. Le vin de Bordeaux a succédé au Xérès. Les hommes boivent moins et les femmes davantage. La valeur de l'argent a baissé de 30%. Chacun s'enorgueillit de sa richesse, vante ses bibelots, ses émaux et ses tableaux. Le château de Penrith Place ne subit pas les caprices de la mode. Les anciennes tentures aux teintes neutres, les meubles de chêne brunis par le temps, font toujours admirablement ressortir les fleurs exquises dont Barbara se plaît à décorer ses appartements. Malgré l'architecture massive, sobre et sérieuse du château, malgré son ameublement monumental et sévère, la gaieté et la vie donnent maintenant une nouvelle jeunesse à la vieille demeure, car des rires enfantins éclatent et se répercutent de toutes parts. L'héritier présomptif n'est pas seul dans la nurserie. Le babillage incessant de 2 petites filles chante gaiement comme l'eau sous la pierre du ruisseau. Puis un baby d'un an à peine s'abat de temps en temps sur les têtes blondes de ses sœurs qui marchent à 4 pattes devant lui. On prétend qu'il surpasse encore en beauté l'aîné qui avait été proclamé dans son temps, il y a 10 ans, le plus merveilleux baby que la terre eût jamais porté. Outre les 3 grands-fils de Mark, 2 petites filles et un petit garçon qui se réclament du même père apportent souvent aussi leur contingent à la joyeuse troupe de Penrith Place. Qui donc est la seconde femme de Mark? Qui donc est la mère de ces 3 charmantes petites créatures? Ah, lecteur, vous l'avez deviné. C'est votre amie Florence, l'intrépide Amazone, la garde-malade dévouée, la femme foncièrement bonne et vraie, aimable et gaie, qui, après avoir enfoncé ses traits dans le cœur de Mark comme dans une cible, a fini par guérir toutes ses blessures en consentant à devenir sa femme. Il a justifié cette confiance en faisant le bonheur de Florence. Il a prouvé que les erreurs de la jeunesse n'emportent pas plus l'honneur sans retour que le vent ne déracine l'arbre qui l'ébranle. Mark a fait sa fortune en travaillant à celle de son frère, qui est son meilleur et son plus fidèle ami. La plus belle maison moderne qui s'élève au centre de Launceston est celle qu'il a fait construire et qu'il habite. Là, à l'inverse de Penrith Place, tout est neuf, frais et fait pour le plaisir des yeux. Tout y témoigne le goût moderne, l'ingéniosité et la grâce. Sur les vitres des fenêtres en verre de bohème sont fouillés de jolis paysages dont la transparence fait illusion. Les pieds s'enfoncent partout dans des tapis qui ressemblent à de la mousse émaillée de fleurs. Tout ce luxe aimable et exquis, toutes ces inventions délicates et nouvelles, excitent plus l'envie des particuliers, il faut l'avouer, que les splendeurs quasi féodales et la majesté inaccessible de Penrith Place. C'est vraiment là une vie heureuse et douce, un paradis terrestre, produit de la civilisation du 19e siècle. Barbara se complaît dans le cadre majestueux qui l'entoure. Elle est heureuse dans son mari, dans ses enfants, dans sa mère, mais elle cherche souvent à ressaisir dans les souvenirs du passé quelque chose du héros qu'elle a tant aimé et qui vivra dans son cœur jusqu'à son dernier soupir. Monsieur Trevenock est mort, non pas en odeur de sainteté, mais à temps pour échapper à l'issue d'un procès que lui avait intenté un de ses clients, procès qui avait amené la condamnation de Mulford, reconnu seul coupable de manœuvres frauduleuses, dans cette affaire compliquée. Dieu merci, le nom des Trevenock en est sorti blanc comme neige. Mademoiselle Penrith a fixé sa demeure à Plymouth, où ses meeting prayers, dans la matinée, sont suivis par quelques amis fidèles et pieux comme elle. Madame Trevenock passe maintenant 1/3 de l'année à Penrith Place, l'autre à Launceston et le dernier à la Villa des Roses. Barbara vient l'y voir tous les ans avec ses enfants au printemps. Sans doute le cottage leur semble bien simple, comparé au château de Penrith Place. Sans doute les allées sont bien étroites comparées à celles du grand parc. Mais le jardin de la grand-mère n'en est pas moins toujours sur terre le paradis des enfants, car ils ont là plus de liberté que partout ailleurs. Là, personne ne se plaint que leurs petits pieds laissent des traces sur les plates-bandes. Là, personne n'est surpris que leurs petites mains arrachent des fleurs à plaisir. Les muguets et les lys croissent et se multiplient à l'endroit même où Barbara a enfoui ses lettres d'amour. Personne ne pénétrera jamais ce mystère. pourquoi faut-il que dans chaque existence, même dans celle qui semble être la plus brillante, dorment toujours sur une tombe des espérances trompées et des rêves envolés. Ainsi s'achève Barbara de Marie-Elisabeth Braddon.